Prenons Apocalypse chapitre 20 déjà, verset 10. Il va, ne vous inquiétez pas, il va laisser un espace encore pour les restes, parce qu'il va encore vous en donner. Il va encore vous en donner. Ça, c'est pour le feu. Pour le feu, mais celui de mort, quelque chose qui a à avoir. Après, vous donnez le verset concernant l'âme, l'esprit et le corps, d'accord? Pour que désormais, vous soyez outillé, pour que quand vous voulez montrer à quelqu'un qu'il y a l'âme, il y a le corps, l'esprit, pour que vous sachiez les versets. Mais avant cela, lisez. N'écrivez pas pour le déposer comme ça. Donc, après le chapitre 20, regardez le verset 10 rapidement pour voir. Regardez. On va revenir sur ça tout à l'heure. Après, c'est après le chapitre 20. Regardez. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ce verset, continuons un peu plus bas là-bas, verset 14 et 15 là. Regardez. Regardez, c'est ça qu'on en parlait tout à l'heure. Regardez. Et la mort et le séjour des morts furent, les deux, jetés dans l'étang du feu. Souvenons-nous de ce verset 10. On dit le diable fut jeté dans l'étang du feu. Et ici, on lui dit la mort elle-même va être jetée dans l'étang du feu. Le séjour des morts, c'est le lieu. Oh mon Dieu, c'est merveilleux ça. Le lieu même qui gardait les âmes qui devaient mourir et aller là-bas doit être jeté. On dit, et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. Donc finalement, les deux versets, le verset 10 jusqu'au verset 15 des Apocalypse 20, lève donc l'équivoque, ou bien arrange donc le problème de l'enfer. Le séjour des morts n'est pas l'enfer, c'est les temps de feu. Parce que le séjour des morts lui-même sera détruit. Donc quand quelqu'un meurt, il ne va pas en enfer, il va au séjour des morts. En fait, l'appellation enfer ne se trouve pas dans la Bible. Donc, dans la communion, dans la pensée humaine, on pense que quand quelqu'un meurt, il va dans l'enfer. L'enfer, c'est un lieu de tourment. En fait, que ce soit le lieu, l'étang du feu, que ce soit le lieu, celui des morts, maintenant là, les deux lieux, c'est le tourment. Maintenant, le châtiment qui est dans l'étang du feu là, est tellement élevé par rapport au séjour des morts. Vous savez, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous saisissez? Je vais dire ceci. Quand quelqu'un dit que non, si tu meurs là, tu vas aller en enfer. C'est pas possible de mourir maintenant là en enfer. C'est vrai que ce n'est pas Christ, j'étais sûr et certain que ça t'a senti, c'est que tu seras en enfer, mais pas que tu meurs maintenant, tu vas en enfer. Quand tu meurs, tu vas dans l'attente, le lieu, je sais des mots, le lieu de l'attente pour le jugement. Et c'est après le jugement, donc, parce que, regardons le verset 15, regardez. Et quiconque ne fut pas écrit dans le livre des vies fut jeté dans l'étang de feu. Et dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 8, on dit que l'étang de feu, c'est la seconde mort. Où est-ce là? Le temps de feu, c'est la mort de la seconde mort. Donc, c'est le lieu de destruction de tout ce qui est mauvais. On va revenir sur ça maintenant par rapport à sa vie. C'est quoi, mon cher frère Evans? C'est là qu'on fait. Amen. Donc, voici donc le problème. Le problème, c'est situé au niveau où on a pris les mythologies, on a mis ici les choses chrétiennes. C'est-à-dire que les Grecs, avec le développement de ces choses de l'enfer et autres, d'abord, beaucoup de personnes le disent pas par croyance de la parole de Dieu, mais par mythologie, par superstition, on raconte des choses que les gens sont descendus dans les enfers. Maintenant, réglons un petit problème là maintenant. Réglons un petit problème, un temps soit peu, d'accord? Vous me permettez? Là où nous parlons, là, Satan se trouve où? Là où nous parlons, là où vous et moi vous parlons. En fait, pour ceux qui sont d'écouter ceci, si vous écoutez ceci, il y a eu un enlèvement, alors la réponse va changer. Parce que s'il y a un enlèvement, il va descendre forcément. Alléluia. Donc s'il y a un enlèvement, avant qu'on écoute ce message, pendant qu'on a écouté, parce que la radio sera là pendant qu'on va écouter. Elle sera restée sur internet, on va écouter. Donc la personne ne pourra plus répondre qu'il est en haut. Parce que quand nous allons monter, j'espère que vous allez monter, vous aussi qui écoutez. Quand on va monter, il va falloir qu'il descende. Vous saisissez ça jusque là. Maintenant, pour le moment, il n'y a pas encore un enlèvement. Où se trouve Satan maintenant? Au ciel. Doctrine de salut perpétuel. Non, c'est ancien. Tu n'es plus comme ça, n'est-ce pas? Ah, absolument. Où est-ce qu'il se trouve maintenant? Qu'est-ce qu'on a dit aussi là-bas par rapport à... Non, il y a rien aussi par rapport à ça. Mais je suis sûr que par contre, qu'il se trouve dans où se trouve Dieu. Parce qu'on croit aussi. Oui. Il n'y a pas où Dieu est. Il est dans un Dieu, mais pas sur un Dieu. Ok. Où se trouve le séjour des morts? Bon, on a vu que c'est en bas. Résumons encore la question. Satan se trouve pour le moment où? En bas ou en haut? En haut. Le séjour des morts se trouve où? En envoie. Qu'est-ce que tu en diras si je viens vers toi en disant que j'ai une vision, j'ai vu Satan en train de trouver les gens en enfer? Que tu me dis que tu seras, mais je ne te crois pas. Pourquoi, frère? Parce qu'il n'y a pas. Oh, oh, oh. Est-ce que c'est juste l'espoir? C'est pourquoi on peut examiner tout ce qui a fait la Bible. Comment quelqu'un peut venir te dire qu'il a vu Satan en train de troubler les gens en enfer? Et la Bible me dit que l'enfer n'est pas encore ouvert. Les gens seront en enfer après le jugement. Il y a vraiment un problème qui se trouve au milieu chrétien aujourd'hui où les gens sont, ont la sensation forte des visions et des révélations. Oui. Plus souvent, ils disent que les gens comme le Seigneur a reçu, Jacques a monté les choses d'avance. Peut-être Dieu leur a montré qu'il va arriver dans la suite. De toutes les façons, en prenant comme ça, Dieu est souverain de faire quelque chose, on voit quelque chose en avant, n'est-ce pas? Lisons encore le verset 10, du chapitre 20. Et puis on va encore en parler. Vous allez suivre, n'est-ce pas? Regardez. Et le diable, qui les séduisait, on se dit, c'est le monde, les gens qui séduisaient ici. Qui les séduisait, puis j'étais dans les temps de feu et de sauve. Où sont la belle et le faux prophète? Et il, le il l'a mis pour qui? Et les gens qui séduisaient seront tourmentés jour et nuit au siècle. Tourmente qui en enfer? Comment, frère? Satan aura le temps de s'occuper des autres personnes. Donc, frère, je sens de votre saine intelligence afin que vous vous concentrez sur la parole. Regardez, écoutez encore ceci. Satan étant en enfer, il donnait ses regards à ces démons qui montent sur la terre pour faire des choses. Satan étant en enfer, donnait des ordres. J'ai vu Satan là-bas avec. Il donnait des ordres que les démons sortent de l'enfer. Donc ils ont l'opportunité, ils ont la clé pour aller en enfer. Rentre. Approchez. Alors, veuillez m'arrêter si je suis en train de divaguer. Je suis en train de regarder seulement la parole. Je ne suis pas en train de dire que la vision de quiconque est fausse ou quoi que ce soit. Mais Dieu m'a donné l'autorité de la parole d'examiner toutes choses d'après sa parole. D'accord? Que Dieu m'en présente, je suis en train de critiquer la vision de quiconque. Je suis en train de dire seulement que d'après les Écritures, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Regardons bien. Verset 18. Je suis le premier. Ici, dans Apocalypse, chapitre 1. Verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Répondez jusqu'à ce niveau. Qui a les clés pour ouvrir la route pour faire passer les gens là-bas en enfer à haut? Qui a les clés? Répondez-moi d'abord, d'après les Écritures. Donc, maintenant, quelqu'un vient pour dire qu'il a vu Satan, qui envoie les démons sur la terre, il venait devant, il venait amener les gens chaque fois là-bas. Par où passait-il? Vous voyez, quelque chose peut sembler spirituel, mais c'est contraire à la parole de Dieu. Donc, définitivement, ça vient de Satan. Oui. Oui. Par la puissance satanique qui lui a été donnée. En fait, c'est même pas lui. C'est pour Samuel, pour le cas de Samuel. Il n'était pas possible qu'il fait monter. C'est Dieu qui a voulu vous montrer, pour montrer quelque chose. Absolument. Il pouvait le faire. Mais regarde bien. Jésus dit ici là dans cette signature qu'il a fait, il dit que désormais c'est lui qui tient les clés. Vous avez un témoignage maintenant. Oui. Mon papa a été blessé bien longtemps avant. Dans le cas de maladie, après le type qu'il avait eu. Oui. Il était allé. Bon, il m'avait seulement proposé ça superficiellement. C'est comme il savait que dans la voie de Dieu, je connaissais ces choses. Il ne m'avait pas dit. Il ne voulait plus te parler. Mais plus tard, oui. Il m'a fait comprendre que il m'avait quand même avoué qu'il était allé voir un marqueur. Ça avait été quelque chose comme ça. Et on a fait sortir un nouveau nom. Qui est mort depuis. Et il m'a dit des choses qui vont être passement midi. Par rapport à ce moment, c'est vraiment donc. Pour le cas, je ne peux pas savoir parce que ça c'est le mensonge, mais la parole de Dieu est vérité. Est vérité. Parce que désormais, s'ils avaient le libre accès à celui de mort, en l'air en sortie, ils pourraient continuer encore les choses. Maintenant, tout reste à croire que, tout porte à croire que ce sont maintenant les démons qui séduisent les gens. Parce que la Bible déclare que c'est Jésus qui a la clé de la mort et du séjour des morts. Donc celui qui peut faire entrer quelqu'un là-bas désormais et faire ressortir. On est d'accord aussi. C'est ce que la Bible dit. Oui. Maintenant, la mort, comment dire que la mort rendit? La mort, c'est un esprit frère. C'est un ange. Et c'est le mot, ça va quoi? Un lieu. C'est le lieu où l'ange là amène ces gens-là. Voilà, il n'y a pas la mort au ciel, mais pourtant les personnes qui sont décédées. Il n'y a pas la mort au ciel. En fait, il faut qu'il dise. Attends, c'est un ange qui a été déchu. Quand il parle d'un ange, c'est un ange déchu. Ce qu'on l'appelle là-bas, lisons-le au chapitre 19. Attends, regardons-le. Ah, puisqu'il sera jeté là-bas, non? Vous avez même fini, ça avec les questions. Regardez bien. Mais c'est chapitre 9. Le chapitre 9 d'Apocalypse. Lisez. Voyez le temps de lire là. Regardez bien. Je vais lire à partir du verset 1 rapidement là. Je vais toucher. Vous en avez dévié là. Je vais lire, je vais sauter. Je vais arriver à un autre verset. Juste au chapitre 9, d'accord. Le cinquième ange sonna. Il dit ici au chapitre 9 d'Apocalypse. Vous y êtes. Je vais répondre tout simplement à sa question. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Vous avez cela? Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil fut le soleil et l'air fut obscurci. De la fumée sortie. Vous savez très bien que des sorcières, voilà les démons qu'on va maintenant libérer maintenant sur la télé. Voilà qu'on en est décrit ici. Près de 200 milliards. C'est écrit devant vous là maintenant. Regardez. Ils vont aller sur la terre maintenant pour investir le camp des saints. On va aller rapidement au niveau du verset 11. Regardez. Elles avaient, ne vous inquiétez pas de lui. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Vous avez vu? Ah, je suis au verset 11. Ah, vous avez vu? Donc, je vais prendre d'abord. Pourquoi j'ai pu vous expliquer ça? Pourquoi vous saisissez? Prenons un peu le démon de la fornication. Donnez-moi un nombre du démon de la fornication qui existe sur cette terre. Si je parle de corps, le cas de la fornication, quels sont les démons qui sont la fornication? Hein? Vous savez de quoi il y a une question, n'est-ce pas? Quand vous entendez l'ange de la mort, vous pensez que c'est seulement un seul ange qui est responsable de cela. C'est ça qu'il veut dire. Il y a ces catégories par catégorie. Il y a des autres que leur Seigneur est venu te prendre maintenant pour dire que, comme par exemple ce genre d'ange, vous avez vu que quand le riche est mort, il est descendu, Lazare a été amené au ciel. Ce n'est pas n'importe quel genre d'ange qui vient prendre les gens pour monter au ciel. Il y a des anges spécialement, que c'est leur mission là-bas, il faut venir prendre. Et il y a des gens qui sont pour le combat, ils dégagent seulement. Ils sont là pour cela. Vous savez ce que je me dis. Je vais dire ceci. Quand on dit fornication, ce n'est pas un seul ange qui fornique. Parce que pour qu'un ange fornique toute la terre, fait que toute la terre fornique, il faut qu'il soit omniprésent. Oh, il ne peut pas être omniprésent, il ne peut pas être en défornication. C'est qu'il va te poser sa fornication. Le jour où tu es, quand tu défornique, quand il part par là-bas, tu sais pas encore de forniquer. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'ils sont par catégorie. Mais ils ont un chef. Chaque fois c'est organisé, ils ont un chef comme un général de l'armée de terre, c'est lui sol ou bien sol air. Il y aura un général. Tous ceux qui sont là-bas sont de l'artillerie sol air. Donc les formations pour faire la même mission. D'accord? Donc et la mort et le salut de Dieu. Il a jeté son aiguillon. Il a mis ça en crise comme l'avait pu quelqu'un. Paf! Il a mis en crise. C'était 7 minutes pour frère. Elle a détruit. La mort n'a plus. Donc c'est pour ça que le dernier ennemi à être, ce sera la mort. Donc, rentrons quelque part là. Nous disons au niveau des versets. Donc, ces versets, pour que je puisse 20, versets 10 à 15, règle aussi deux problèmes. Ça montre clairement que le séjour des morts n'est pas la destination finale. Parce que le séjour des morts lui-même, d'après ce qu'on a vu, a été jeté. Ou bien sera jeté dans les caparins des feux. Donc, on veut comprendre l'enfer comme la destination des hommes finales, alors ça veut dire que l'enfer, d'après la conversion des hommes, c'est plutôt le temps des feux. Ce n'est pas le séjour des morts. Et on a vu que le séjour des morts est différent du Sheol, donc la tombe. On se comprend jusque-là. Ok. Prenons un autre verset de Proverbes chapitre 15 pour voir quelque chose. Pour voir. Donc, ce qu'il veut montrer maintenant, c'est que le séjour des morts est différent de l'enfer. Et c'est clair là d'après l'Apocalypse, n'est-ce pas? Le séjour des morts est différent de l'enfer. Donc, ce qu'on appelle en fait, garder un esprit, ce n'est pas le séjour des morts, c'est cela. Et l'abîme. Écoutez bien, qu'il me soit permis de dire donc que maintenant, pour le moment, il n'y a personne encore en enfer, d'après les Écritures. Qu'il me soit permis de dire que tous les méchants qui sont morts depuis que Jésus est venu se trouvent dans le séjour des morts. Et là, il y a des tourments. On a vu cela aussi, n'est-ce pas? Et les tourments, là, ce n'est que les pré-tourments. Donc, quand celui-là dit que je souffre cruellement, je ne sais pas ce qu'il va dire de l'enfer. Amen. Si Satan lui-même va pleurer dans ces choses-là, imaginez. Ok. Proverbe chapitre 11, chapitre 15, Proverbe chapitre 15, le verset 11, la partie A. Qu'est-ce que ça dit? Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. On a dit clairement que quoi? Le séjour des morts et l'abîme. Donc la Bible vient de les appeler distinctement. Le séjour des morts et l'abîme sont où? Devant l'Éternel. Il veut dire quoi? Que Dieu les voit distinctement. Alléluia. Donc, si vous êtes juste là, je suis en train de vous la montrer que le séjour des morts est différent de l'enfer, ce qu'on appelle l'abîme, le grand abîme là. Ou bien la Géhenne. Quand vous entendez Jésus parler de la Géhenne, il parle de cela. Dans ce matin, je peux dire verset 28, je vous ai dit, il a dit que à quoi c'est vrai que c'est un homme de Galilée, le monde entier, s'il perdait son âme. Il dit que ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Regardez bien encore pour montrer à ces gens pervertis qui disent que le corps, c'est l'âme là. Jésus, le Seigneur, dit de sa bouche que ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, ils ne peuvent pas tuer l'âme. Donc un être humain n'a pas le pouvoir pour détruire l'âme. Tout ce qu'il peut faire, tout ce que Satan peut faire, c'est utiliser un être humain pour qu'il te séduise, pour que tu tombes dans ses prières, pour que ton âme vive dans sa vie, pour que vous alliez au même endroit. Parce qu'il ne peut pas faire quoi que ce soit avec ton âme. C'est seulement pour détourner, qui te séduise, qui te trompe par ses artifices, afin que tu tombes dans son filet. Vous allez au même lieu, parce qu'il sait très bien, souvenez-vous dans ces Jean chapitre 14, chapitre 16, là, il a dit que jugement parce que le prince de ce monde-ci est déjà jugé. Le jugement que vous voyez dans ce Apocalypse, vous avez vu qu'on a pris le diable pour le juger. Non, ce jugement était là prononcé, il sait. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est là condamné, vous allez à lui, quelqu'un est condamné à mort, on dit qu'on va le tuer à mort. Tant qu'il est passé par là, on va dire qu'il déchire tes yeux, on dit qu'on ne met encore la condamnation à mort, ça change quelque chose. Tiens, ton voisin ne lui pas avec Satan. Ne le côtoie pas. Ni aucun de ses attributs. Toi, tu peux encore te racheter. Pour lui, son sort est scellé. Et il est conscient. Donc, tu vois très bien que s'il est le prince de ce monde, si tu lui demandes 400 milliards, puis tu lui demandes 400 milliards, sachant que pour ton âme, tu vas venir souffrir avec lui là-bas. Ouais, ça, mes chers soeurs. Donc, la Bible déclare dans ses proverbes, chapitre 15, verset 11, que le séjour des morts et la vie sont devant l'Éternel. C'est pour. Ce verset veut montrer justement qu'il y a différence entre le grand abîme là et le séjour des morts. Lisons Esaïe, chapitre 24. Esaïe, chapitre 24. C'est merveilleux dans les prophéties, vous le dites. C'est merveilleux dans les prophéties. On y va. Regardez, je vais lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Regardez bien. Regardez bien, mes frères et sœurs. Esaïe chapitre 24, partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Regardez. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. On parle de la terre. Elle tombe et ne se relève plus. Vous voyez cela? En ce temps-là, vous avez vu, on parle du temps où Romains chapitre 8, verset 19, la création de l'entrée à travers Adam et la maison était de Dieu. En ce temps-là, l'Éternel châtiera. Écoutez bien, aimé, écoutez, ouvrez bien vos oreilles. L'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut. Vous voyez là, ça va habiter avec ses armées. Donc, châtiera l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ces rois célestes-là. Le prince de la puissance des airs exerce sa domination. Regardez maintenant, regardez. Écoutez bien, si vous n'avez jamais écouté la Bible, écoutez maintenant. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui sont dans le séjour des morts, dans la mer, sont dans ces régions-là. Ceux qui sont dans les montagnes, les dieux des montagnes, ils sont enterrés dans ces régions-là. Ils sont dans des cachots, regardez bien. Et après un grand nombre de jours, ils seront... Donc, quand quelqu'un meurt là, c'est le séjour des morts. Il parle là-bas. Il parle pour les gens qui n'ont pas l'espérance en Christ. Ils vont dans le séjour des morts. Le gars, c'est différents cachots, comme il y a différentes cellules. Après, c'est un grand nombre de jours, on va les châtier. Vous y êtes? Okay. Un grand nombre de jours. Dans le langage, je dis, parle d'âge en âge. Siècle et siècle. Ce n'est pas siècle, 100 ans, comme vous l'entendez jamais. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Siècle, c'est un nombre défini de jours. Connu de Dieu. Mais pas l'éternité. On arrive là-dedans. Et pas l'éternité. Amen. Esaïe chapitre 14. Nous sommes juste là. Esaïe chapitre 14. Verset 9 rapidement. Esaïe chapitre 14. Verset 9. Regardez bien. Le séjour des morts se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les hommes, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Où est-ce là? Le séjour des morts. Et ça va accueillir Satan aussi là-bas. Boum, tous les grands de la terre. En disant que les gens devaient faire tout et tout pour ne pas être les grands de ce monde aussi. Tous les grands de la terre se meurent. Chacun est dans son trou là-bas. Pour accueillir Satan. En fait, vous savez quand on parle de Satan ici, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il faut revenir en tomber là-dessus, mais certainement vous aurez ça sur CD. Enseigner ça sur CD véritablement en profondeur, en touchant beaucoup de vérités sur Dieu, le feu, comment il manifeste dans ses psaumes 18. L'éternel tourna du haut dessus, il lança les traits sur les ennemis. Il pourra devant lui éteindre des flammes de feu. Mais ce n'est pas pour ses enfants, c'est pour consommer ses ennemis. Le même feu qui brûlait ses ennemis, il y a un arbre, mais ça ne fonctionnait pas. Ouais, la chose là, maintenant. L'éternité maintenant, oui ou non, de l'enfer. On a vu que le salut de mort et la Géhenne, c'est deux choses différentes. On a vu que la destruction finale de toutes les créatures mauvaises ici, ce sera dans la Géhenne. Donc, ce que la Bible appelle le temps Adam et feu. D'accord? C'est des choses. Maintenant, avant de voir l'éternité, oui ou non, de l'enfer, voyons exactement. En fait, c'est déjà établi, on a vu précédemment que dans la destruction de mort, ce n'est pas le corps physique qui va. Pour montrer clairement que les gens qui disent quand on meurt c'est terminé, c'est quelque chose. Confirmons encore cela avec le psaume 89. Prenons rapidement le psaume. Psaume 89, verset 48. Il y en a tellement de versets. Psaume 89, permettez-moi de le trouver. Psaume 89, le verset, il veut lire le verset 48 là. Regardez. Vous y êtes. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Oui. On parle de l'homme, c'est l'être tel que c'est physique. Après on dit, qui puisse sauver son âme du séjour des morts. Vous avez vu? Donc la question est de poser ici. Est-ce qu'un être humain peut sauver lui-même son âme du séjour des morts? Ou est-ce qu'il faut qu'une force externe pour le retirer de là-bas? En fait, la Bible veut nous indiquer que l'âme, c'est la qui va au séjour des morts, c'est l'âme. Et il a dit ça de Jésus. Il ne permettait pas que son bien-aimé, son âme, reste au séjour des morts. D'accord? Ok, regardons, prenons encore le chapitre. Vous y êtes? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit quoi? Ça danse, ça décalé chez toi. Parce que tu vas commencer avec ton David. Merci, je suis ici. Donc, lui, il y a 49, c'est toi. Donc, Proverbe 23, verset 13 et 14. Bien, lisons d'abord, comme nous avons le psaume, lisons le psaume 16. Puisque nous avons le psaume aujourd'hui. Psaume 16. Regardez bien encore. C'est ce que j'ai lu que l'apôtre Pierre a cité dans Actes chapitre 2 aujourd'hui. Psaume 16, verset 6. Venez à partir du verset 6, là, regardez. Psaume 16. Vérifiez. Psaume 16. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel mon conseil. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie. 1. Mon esprit dans l'allégresse. 2. Et mon corps repose en sécurité. Directement, ce verset, regardez bien. Regardez bien le verset 9 encore. Aussi, mon cœur est dans la joie. Vous voyez cela? Mon esprit dans l'allégresse. Il a dit, l'être qui est en train de parler a un esprit. Vous voyez? Et mon corps repose en sécurité. Cet homme qui est en train de parler a un esprit, a un corps. Regardez bien. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. La Bible ne peut pas dire le contraire. Il dit clairement, la personne qui est en train de parler, tu ne livreras pas mon âme. Il n'a pas dit que je n'ai pas tiré, parce que ça n'a pas de sens. Il dit, tu ne livreras pas mon âme. Donc quand tu quittes ici là, son âme est livrée quelque part. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Donc vous voyez très bien que la personne qui vient de parler vient de citer les trois dimensions de l'humanité. Et l'homme, le corps qui va voir la corruption, l'âme qui va voir le séjour des morts et l'esprit qui est dans la détresse. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il dit que tout votre être, corps, âme et esprit soit gardé et répréhensible jusqu'à la venue du Seigneur. L'esprit, tout l'esprit, tout votre humeur, bon comme chambre, retourne à Dieu. C'est ce que la Bible dit, frère. Non, c'est pas l'esprit qu'on parle dans la Bible. Absolument. Non, c'est pas ça. Autre chose, c'est que l'esprit est différent du souffle. L'esprit est différent du souffle. Roi et nefesh, c'est différent. Donc, et c'est différent du Zoé. Le premier des lieux de chaque partie là, de cette toile là, c'est clair. L'âme va où? L'âme va où? L'âme d'un être humain va où quand il meurt? Lui pour le moment, parce qu'ils sont dans cette dispensation. N'est-ce pas? L'esprit va où? Le corps va où? C'est ce que la Bible enseigne. Regardons maintenant, bien qu'on pourrait voir le cas de l'âme là, directement, d'accord? Il y en a tellement de versets par rapport à l'âme, l'esprit, le corps. Je vous sens de la Bible d'abord qu'on en finisse. Donc, la Bible déclare que le séjour des morts réclame l'âme. La terre nous réclame, parce qu'on a donné la loi là. C'est pour ce qui est à la soucière, l'esprit sur Dieu qui l'a donné. Frère, je peux te poser une question. Un chien ou un lion a-t-il cette toile, l'âme, le corps est tiré? Donc, tu te demandes la question. Donc, l'esprit du bon et du méchant, on a même l'esprit des animaux. J'ai dit bien l'esprit des animaux. Montre-moi un verset de la Bible qui dit que l'animal a l'âme. Il y a un verset dans la Bible. C'est pourquoi nous sommes différents des animaux. C'est à cause de ça. Il n'y aura pas le chien au séjour des morts. Il n'y aura pas de chien au séjour des morts. Oui. La forme de l'esprit. La forme de l'esprit est exactement les mêmes formes comme ça. Si on parvient à disséquer les trois, ton âme et ton esprit, le problème c'est au niveau de la nature de ces trois. C'est fait des matières différentes, des substances différentes. L'âme, le corps et l'esprit sont faits des matières différentes. Maintenant, si toi étais là, je regardais comme ça, là, si c'est toi, tu vois, tu es identique. Comme tu as coiffé tes cheveux ici, là, sur le corps physique, ça sera ici, ça sera là-bas. Avec les mêmes choses. La façon dont tu souris, c'est la même chose. Bon, là, l'esprit ne connaît pas du chemin, il connaît les livres, tout simplement. Il est tout simplement à Dieu, tout simplement. C'est le Dieu des esprits, frère. Comment? L'esprit. L'esprit, c'est pas le problème, c'est pas l'esprit qui dérange, parce que l'esprit ne peut pas pécher. C'est au niveau de l'âme qui est le problème, parce que quand Dieu a souffert dans Adam, il est devenu l'être humain, l'être, l'âme vivante, là, c'est là où le péché a commencé. Quand lui était esprit, il ne pouvait pas pécher. Quand il était esprit, il ne pouvait pas pécher. Quand il était esprit, il ne pouvait pas pécher. Elle est entrée, quand l'autre partie l'a rejoint, alors l'émotion pouvait le toucher. Et puis ça, on n'allait jamais entendre dans la Bible la convoitise de l'esprit. Et comment ça s'empêche? Comment? Comment faut-il faire? La nature de l'esprit de Satan est différente de l'esprit que toi tu es. Auquel des anges a-t-il dit tu es mon fils? Tu as entendu, il a dit ça à un ange. Non, nous sommes ses fils. Parce que nous sommes dans une nature différente de Satan et des autres anges. Jusque là, ça se comprend. Donc, les animaux n'ont pas d'âme. Les animaux n'ont pas d'âme. Comment il va demander le sang? Tu as vu là, on juge les animaux ici. Tu comprends ce que je viens de lui dire? Non, non, je ne suis pas contre le jugement, mais c'est moi qui ne pas d'accord. Parce qu'il a tué un homme, parce que la loi de Dieu est dans tout l'univers. Même l'arbre qui va tuer un homme, Dieu va lui demander. C'est pas là tout à l'heure que la terre chancelle, n'est-ce pas? On a dit tout à l'heure dans Esaïe chapitre 24, verset, que la terre chancelle. Son péché, frère, la terre parle pour pécher. La terre parle pour pécher, frère. N'est-ce pas? On a dit que la création toute entière, soupir avec Adam. Il t'a dit de regarder dans cette vision aujourd'hui là qu'il y avait un corps qui prophétisait. La foule prophétisait, j'interprétais. Bon, quand il fait il n'entend pas. Il veut dire, quand tu vas la mettre pour faire pro, il y a 5% ici. L'autre qui n'a pas encore mangé, c'est elle qui vient manger. Il n'appelle pas son nom que vient toi, tu vas la nourrir. Prochain repas, il appelle, c'est l'autre qui vient. Après, tu vois, quand l'autre pense en repas, il croit de l'autre côté de poussin. Observez seulement, vous voyez Dieu à le près. Il pense au repas, là, il va de l'autre côté. Ses petites soeurs viennent là-bas, que vous n'avez jamais remarqué ça. En fait, ils parlent, c'est que dans leur dimension, ils s'entendent. Si Dieu peut ouvrir nos oreilles, nous devons entendre ce qu'ils sont en train de dire. Donc, vous entendez quelqu'un se mettre sur les oreilles, l'oiseau se dérange, prend le cœur, le chat, il a dit de glorifier son Dieu. Que c'est éternel, merci déjà pour toute la journée, parce qu'il sait que tu as dit dans la Bible, que tu ne on moissonne, nous ne sommes pas. Ces jours, je suis sûr que tu vas me donner la nourriture. Alléluia. Nous nous sortons le matin, quand il m'en vais travailler, c'est pas ma faute, il est trop bossé aujourd'hui pour avoir l'argent. L'oiseau lui remercie Dieu le matin avant d'aller trouver sa nourriture. Après, quand il finit ça, Dieu dit que Makepe, waouh, il dit qu'il y a un couscous qu'on a versé quelque part là-bas. Qui lui a dit qu'il y a un couscous à Makepe? Amen. Suivez notre Dieu, grand Dieu est sauvé, Jésus-Christ, c'est vous le dit. Il dit que regardez les oiseaux, ils les sauvent, ils n'ont même pas les greniers. Chaque jour, le Père se laisse les pas vrai? Amen. Il y a des quoi ils vont chanter pour Dieu chaque jour. Mais si vous ne chantez pas, ne vous inquiétez pas. Attendez les hirondelles, vous entendez ce qu'ils disent. Vous pouvez vous chasser, vous pouvez les chasser, ils font le bruit, ils chantent la gloire de Dieu. Les pigeons, le crap, prend l'oxygène d'abord qu'ils se testent. Ils sont les chanter leur Dieu. Le Dieu que tu refuses de servir. Il dit que l'hirondelle et même la fourmi connaît même son créateur. Israël ne connaît pas son créateur. Il ne connaît pas son Dieu. Donc, quels que soient les êtres que vous avez sur la terre, la différence entre un être humain et les animaux, c'est surtout au niveau de l'âme. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Tu as vu le chien pêcher un jour, frère? Tu m'as oui ou non? Tu as vu le serpent pêcher? Vous avez vu le lion pêcher? Qui ça? C'est pas vous les hommes qui portez. Vous avez la nation de l'homme ici. Ce sont les gens qui partent les enfermer dans les enclos. Dieu a fait qu'il soit dans la nature. On parle des enfants, un jour quand c'est fait, il sort, il mange les gens, pas vrai? Donc, non, c'est normal, hein? C'est normal quand c'est petit. Ils sont les prophétiser que le royaume de Satan est dispersé entre eux. Donc, c'est les prophétiser. Donc, continuons ici dans notre lecture. Nous sommes dans au niveau où on a voulu voir le séjour des morts est différent de l'enfer, c'est différent de Sheol, c'est-à-dire que la tombe où on ne sait plus comment les gens ne pas. Maintenant, voyons maintenant, on a vu que l'âme va de l'autre côté, l'esprit monte et jusque le moment où il est mort, il a rendu l'esprit. N'est-ce pas? Ok. Regardons maintenant. L'enfer est-il vie ou non éternel? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas, frère? Qu'est-ce que les gens. Non, non, pas qu'est-ce que la Bible a dit. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? L'apocalypse. Mais notre ancien anglais, on ne cite pas les noms déjà. Éternel. Éternel, c'est-à-dire quoi? Donc, ça finit jamais, vu à jamais, à jamais. Tu as vu ça dans la Bible comme ça? Parce qu'on voit que c'est que les siècles. Mm-hmm. Il faut qu'ils étaient proches. Voilà les deux. Voilà les deux mots. Ok. Maintenant, avant, on va aller doucement. L'âme est-elle immortelle? Oui ou non? Ok. Maintenant, bon, on va. Non, maintenant, je comprends que oui maintenant. Mais avant, je ne comprenais pas que oui. Bon, attends, regardons. Mais il y a encore un problème parce que la seconde mort étant le fait de jouer au sexe de ciel, on comprend que c'est parce que tu vois au sexe qu'on appelle seconde mort. C'est pas que tu disparais. Bon, alors, je veux ce que veut dire. Tu dis c'est pas que pour tu disparais. Mais là, on va voir dans la Bible clairement qu'après ça, ça va cesser. Qu'est-ce que tu vas en dire alors maintenant? Ouais, je veux dire quoi, je vais l'entendre. Donc, analysons cela avant d'entrer dans les écritures, d'accord? Et il ne faut pas seulement regarder là où les gens ont fauté, il faut faire attention pour qu'on ne faute pas de cette façon. Parce que quelque chose peut être mal compris, et ça envoie les gens à la dérive. Ce que je veux dire, c'est ceci. Si l'âme a déjà une âme, si un être humain a déjà une âme immortelle, prenons deux personnes, l'une qui croit au Seigneur Jésus-Christ, l'autre qui n'y croit pas. Si l'autre qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ a l'âme immortelle, et que celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, quand il croit, qu'est-ce que Jésus-Christ lui donne? Réponds, frère. Je vais prendre deux personnes. Je vais seulement montrer la bêtise de croire que l'âme est immortelle. Je prends deux personnes. L'une des personnes ne croit pas au Seigneur. Forcément, il va être en enfer. L'autre personne croit. Quelle est la rétribution de la croyance, de sa croyance? Selon ce que... Qu'est-ce que la Bible enseigne? Je veux dire, qu'est-ce que la Bible enseigne? Ok. Si Dieu lui donne la vie éternelle par rapport à sa foi en Christ, ça suppose qu'il n'avait pas encore. Oui. Alors, son âme était mortelle. Oui. Si j'ai dit non, ça veut dire qu'il y a deux vies éternelles. En fait, je vais expliquer. La croix, c'est mortel, en fait. Ça va mourir dans le sens où ça va vivre en enfer. D'accord. Donc, tu n'as qu'à écouter ma prière avant que tu vas le ciel. Ok, attends. Parce que ça va mourir. Attends. Mais nous sommes d'accord que Dieu donne quelque chose en plus de ton âme, n'est-ce pas? En plus de lui. Ah. Et c'est cette chose-là qui est la vie éternelle. C'est-à-dire que il te donne sa partie en lui pour que ça puisse demeurer en toi, pour que tu ne puisses pas brûler, pour que tu ne puisses pas être séparé pour toujours devant lui. C'est-à-dire que pour que tu puisses subsister en sa présence tout en ayant la vie. Oui. Ok. Si tu n'as pas ça, peux-tu subsister en sa présence? Non. Donc c'est-à-dire que c'est sa partie qui vient en toi. Donc tu n'avais pas à toi-même cette propriété de subsister de façon indéfinie. Tu vois la chose là maintenant? Il dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle se trouve dans son Fils. Cette vie éternelle se trouve dans son Fils. Ça se trouve pas en nous. Celui qui croit en lui a donc la vie éternelle. Donc ça veut dire que cette personne n'avait pas encore. Or, la vie éternelle, donc, c'est quoi? C'est la partie de Dieu. C'est Dieu te donne sa nature à lui, puisqu'il ne peut pas cesser de vivre, afin que nous subsistons avec lui et pour toujours. Et ainsi, si Dieu nous accorde la vie éternelle, que nous comprenons pas, si quelqu'un a une vie éternelle, il n'a pas eu de commencement, nous étions dans sa pensée avant. Le descenseur se trouve partout, mes chers amis. Puisque si tu donnes ça alors que tu as un commencement, tu ne peux pas susciter parce que tu as un commencement. Voilà donc pourquoi dire que le feu donc va brûler pour toujours est un blasphème. Parce que le feu a eu un commencement. Dis donc que quelqu'un qui se trouvera dans le feu va brûler pour toujours sans avoir cessé. Il faut qu'il ait la propriété de rester dans le feu pour toujours. Et cette propriété elle se trouve dans Dieu. J'espère que vous saisissez ce que je viens de dire, la complexité de la chose. Dis que quelqu'un ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, on va le brûler. C'est clair donc, pour le cas de l'enfer, il y a l'enfer vraiment qui brûle. Ça brûle vraiment, ça chauffe vraiment jusqu'à ce que c'est plutôt cruel. Donc il n'y a pas de dimension de cette brûlure-là, surtout sur cette terre-ci. Mais ce qu'il veut dire, c'est que le fait de dire que le feu ne s'éteint jamais est un problème. C'est parce que la Bible enseigne. Nous sommes d'aller à l'analyse terre à terre pour, avant d'entrer dans les écritures pour le montrer. Donc pour que quelqu'un brûle sans que ça ne s'arrête, Il faut que la personne ait la... Prenez un exemple. Vous prenez un papier. Je mets du feu dessus. Je monte, je descends, ça va cesser. Pourquoi? Pourquoi? J'arrête d'enseigner. J'arrête un papier, même le simple question, vous ne comprenez pas, vous ne me saisissez pas. J'arrête la Bible, c'est entre mes mains, je mets le feu ici à ces bouches. À un moment donné, ça va arriver ici. À un moment donné, ça va arriver ici. Si le feu continue, ça va consumer entièrement. On est d'accord? Le feu va s'éteindre. Pourquoi? Supposons que le truc continue à être long, à être long, à être long. Le feu va continuer à consumer, pas vrai? Si ça a une longueur infinie, le feu va continuer infiniment. C'est ce que ce mot-là explique. Si l'être humain, donc, ceux qui seront dans le feu, avec la capacité éveillée et transformant les douleurs de façon indéfinie, le feu va continuer sur eux indéfiniment. Mm-hmm. Or, ils partent là-bas parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Oh mon Dieu. Attendez. Voici Jésus qui vient. Tu crois en lui. Désormais, tu seras debout pour toujours. Toi, tu ne crois pas, tu n'as absolument rien. Il va périr. Périr, ça ne veut pas mourir. Ça veut dire qu'il va disparaître devant lui. Il va l'anéantir. En fait, c'est le mot même. Le mot, ça veut dire qu'il va l'anéantir, il va brûler jusqu'à... En fait, voici ce que la Bible parle de ce feu-là. C'est brûler jusqu'à extermination. C'est exactement ce qu'il dit à l'original. On va voir, donc on va entrer dans la Bible tout à l'heure. Oui. Mais ça, en fait, je disais le contraire. Ils vont périr. En fait, voici le contraire, n'est-ce pas, frère? Le contraire de la vie éternelle, ce n'est pas la mort éternelle. Je vais citer l'écriture maintenant que tu vas me confirmer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il est la vie éternelle. Le contraire de la vie éternelle, c'est la vie qui périt. Tu as vu, on n'a pas écrit mort éternelle là-bas parce qu'il n'y a pas de mort éternelle. Je les donne à vie. Il dit en Jean d'ici que je connais mes bébés et me connaissent. Je les donne la vie éternelle et il est. Chaque fois qu'il va utiliser ça, il va dire le contraire, il va parler de ça. Ils ne périront jamais. Parce que je vais me demander, je me pose la question que, mais comment est-ce que Dieu va vivre dans la gloire éternelle avec ses enfants? Et il va commencement les gens qui sont en train de brûler avec lui éternellement. Ça, je me demande que, mais. Et puis quel est celui qui va rester éternellement en train de brûler? Avançons-nous à l'ancien autre endroit. On a dit que le sujet de moi était haut. En bas. Si la terre est changée, renouvelée, comment ça va se retrouver encore là-bas? Disparaît. Ok, on va voir donc dans les écritures. Donc, j'aimerais bien que ça puisse être assimilé pour que je puisse entrer. Parce que voici la situation. J'ai dit tout à l'heure là que les témoins, je ne les croyais pas en enfer. Parce qu'en fait, ils disent que l'être humain, c'est corsé. Et comme c'est corsé, quand on meurt, c'est fini. Donc, il n'y a pas un autre lieu. Vous voyez très bien qu'on a vu que l'être humain, effectivement, était constitué de trois entités. Ok. Voici donc là où les gens qui croient. Il y a des gens donc, qui croient qu'il y a effectivement l'enfer. Mais ils croient maintenant, la faute qu'ils font maintenant, que l'enfer est éternel. Voici là où l'or aussi ils font la faute, c'est qu'ils enseignent que l'âme est éternelle. Alors qu'aucun verset biblique ne le confirme. Voici la situation. Parce que si l'âme était éternelle, Jésus ne serait pas venu. Il nous donne la vie éternelle parce que nous n'avions pas encore. Vous voyez la situation? C'est ce qui nous permet d'être debout avec lui. Quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Vous avez entendu cela? La façon de ne pas voir la mort, c'est de croire en lui. Alors, la personne qui n'a pas cru en Christ, il va être détruit. Parce qu'il n'a pas la propriété d'être debout pour l'éternité. Voilà, j'espère que vous en avez de comprendre. Donc, il n'y a aucun verset biblique de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse qui enseigne d'une façon ou d'une autre que l'âme est immortelle. Parce que la Bible déclare que c'est Dieu seul qui possède l'immortalité. C'est ce que la Bible enseigne. Si quelqu'un a l'immortalité, alors ça veut dire qu'il est Dieu. Vous suivez, frères et sœurs? Ok. Matthieu chapitre 25. Donc, on va finir là maintenant. Je vais aller rapidement. Ouais. Courage à toi, c'est pas facile. En fait, on peut pas rester un peu comme ça. Le sommeil arrive sur moi. J'ai plus de 25. Vous avez noté ça tout à l'heure dans la liste des versets que je vous ai donné. À la maison, lisez les versets 31. Je vais lire rapidement. Vous savez, quand le Seigneur se met sur le trône du jugement, et vous savez très bien que ce qui est dans ce Matthieu 25, c'est exactement ce qui est écrit après. Je peux dire que c'est le trône du jugement, n'est-ce pas? Maintenant, lisons à partir du verset 41. Regardez. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. C'est la suite. Allez dans le feu éternel. Lisez pour vous. Lisez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Arrêtez d'abord là. Quand quelqu'un entend chaque fois les prêches ceci, il dit que l'enfer n'est pas éternel. Ils ont comme impression que j'ai tout lu la Bible, sauf déjà des versets comme ça. Ou bien comme dans ce Marc chapitre 44 et 48, il a dit où les veines ne se teignent, où le feu ne teint point, où les veines ne meurent point. Quand quelqu'un entend, on dit, c'est un peu comme quand tu parles du baptême, que le baptême, on croit peut-être que tu as tout lu, sauf Matthieu 28. Donc c'est écrit littéralement ici, dans votre version, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel. Soulignez feu éternel. Alors c'est normal même déjà. Je l'ai dit, pour ceux qui ont été dans la religion, c'est normal quand tu entends feu éternel, tu entends que ça ne veut pas s'éteindre. Normalement, si tu es vierge dans l'esprit, tu dois savoir que ça ne veut pas dire ça. Si vous êtes vierge. Mais si vous avez déjà corrompu, passé par à la compassion globale, par ici, par tel militaire, vous aurez des problèmes, vraiment. Si vous êtes vierge, vous saurez. Parce que le seul fait, l'analyse qu'on a fait là montre que c'est un non-sens. Et regardez bien. Le volet suivant montre que ce qui est dit là-bas, c'est pas en train de dire. Regardez. Aller dans le feu éternel qui a été, allons-y, stop. Quelque chose qui est éternel a été préparé. Quelqu'un qui est éternel a eu le commencement. Vous voyez, regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Soit on a mal traduit, ou bien c'est pas ce que ça veut dire. On dit aller dans le feu qui a été préparé. Donc il y a eu un jour où on a commencé à faire le feu là. Alors dans, depuis souvent, le feu n'est pas éternel. Parce que quelque chose qui est éternel n'a pas de commencement. Vous voyez la chose là que ça veut dire. Aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Dans cet Esaïe chapitre 24, verset 21 à 23, vous vous souvenez, il a dit après un grand nombre de jours, il va les mettre dans le cachot. Après un grand nombre de jours, il va les châtier. Et la Bible déclare dans les prophéties, il dit que le jour arrive où l'éternel va punir le monde à cause de sa malice. Pas vrai? Ok. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un a la version d'Abi ici. Vous avez la version d'Abi. Vous avez la version d'Abi. Personne là. Ok. Et là, vous y êtes. Je peux relayer. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc les êtres humains nécessairement se retrouvent là-bas. Mais si vous lisez la version d'Abi, c'est écrit allez dans le feu perpétuel. Il dit, si vous lisez dans la version d'Abi, c'est écrit allez dans le feu perpétuel. Sans délai, pour vous amener quelque part, d'accord? Allez dans le feu perpétuel. Alors, dans la version d'Abi, c'est écrit allez dans le feu perpétuel. Vous prenez la version qui nous dit, c'est écrit dans le feu perpétuel. C'est quoi donc être perpétuel? Quelque chose de perpétuel. Quand vous attendez quelque chose de perpétuel. Alors. Maintenant, quelque chose me vient à l'esprit là maintenant. Ah, maintenant, nous sommes dans ces Esaïe, dans ces matières. Il y a quelque chose qui se doit se retrouver là-bas. Chapitre 28, merci Seigneur. Il y a bien dit quelque chose à l'avance, quelque chose m'a tiré là-bas. Nous y voilà. Chapitre 28 d'Exode. Chapitre 28 d'Exode, je vais lire le verset 43. Il y a quelqu'un du verset 43. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans le temps d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et ses fils après lui. Amen. C'est bien dit là maintenant. Pardon, quand le mot est venu perpétuel, il prend des réglages sur les petits pour voir. Maintenant, regardez-moi. Permettez-moi de m'asseoir maintenant pour vraiment qu'on rit un peu. Dieu avait dit, si vous lisez le verset, j'ai dit, vous avez lu le verset 43, le verset 42 au plus haut parlait de la forme des caleçons que devait produire, que devait porter les sacrificateurs. Il dit que Aaron et ses fils les porteront de façon commune, perpétuelle. Vous seulement que vous comprenez quand Dieu parle. Il dit, dans ce Matthieu chapitre 25 que nous avons lu là, il est fait état du feu perpétuel. Et quand on va perpétuel, vous voyez, dans notre langage, quand on entend perpétuel, on a l'impression qu'il va continuer pour toujours. Maintenant. Les descendants d'Aaron continuent le sacrificature. Non, en fait, il y a toujours les descendants. Il y a même maintenant là, il y a toujours les descendants d'Aaron. Il ne peut pas cesser. Donc, Dieu peut aller en Égypte, en Israël, en dire que voici celui-ci était fils d'Aaron. Celui-ci était fils d'Aaron. Celui-ci était fils d'Aaron. N'est-ce pas? La question que je pose, c'est il continue la sacrificature. N'est-ce pas le Seigneur qui a dit que le jour vient où j'ai traité avec la maison d'Aaron, la maison d'Israël, une alliance nouvelle. Et la Bible nous enseigne qu'en disant nouvelle, il a arrangé la première ancienne et prêt de disparaître. On est d'accord? Alors maintenant, si donc la perpétualité telle que donnée par le Seigneur était comprise au sens de l'éternité, il ne faudrait pas que ça s'appelle là, ça reste. Amen. Amen. C'est ce que je me dis. Il dit bien, si donc, quand Dieu parle de perpétuel, vous entendez que perpétuel, comme nous entendons dans le langage courant de français, c'est. Je veux dire, d'accord, c'est écrit en français là. Comment on dit ce sera une. Lisez quand il parlait de sabbat aux juifs. Il a dit que cette alliance par rapport au sabbat, ce sera entre les descendants d'Israël et moi, donc qu'on sache de façon perpétuelle que je suis leur Dieu. Alors la question que je vais poser, c'est que si Aaron et ses disciples et ses descendants devaient continuer ces choses de façon perpétuelle, qu'on comprend perpétuelle comme étant toujours, comme ça ne va pas cesser, alors la Bible a vraiment une grande contradiction là-dedans. Définitivement, si perpétuel n'est pas compris par la Bible comme nous comprenons perpétuel, alors définitivement c'est nous qui avons la même partie. Ça veut dire que Dieu a dit que les gens ont compris autrement. On est d'accord? Or, la Bible est claire dans Romains 3, 4, que tout homme soit reconnu pour menteur et seul Dieu pour vrai. Donc mes frères, je prends la côté de Dieu. Alléluia. Je vais seulement prendre le mot pour vous montrer. Si vous lisez donc dans ce livre de Marc, chapitre 9, verset 44 à 48, pendant qu'il parlait des méfiants ou des scandales, et le feu, si ton œil plutôt un occasion de chute, il est préférable d'entrer bonne hein, dans la vie que d'avoir encore qu'on peut entrer bonne dans la vie, parce que tout le corps qui est semé est maçonné étant bien ressuscité. Donc il n'y a pas d'aveugle là-bas. Il faut aussi comprendre ce que le Seigneur avait dit. Ou bien au lieu d'avoir les deux à entrer dans la gêne, où le feu ne s'éteint. Amen. Donc maintenant, on a vu le problème de perpétuité. On va revenir là-dessus. Je vais seulement vous montrer que Jésus parle du feu qui ne s'éteint point. Il ne parle pas que ça ne doit jamais éteindre, que ça ne doit jamais cesser. C'est pas ce qu'il a dit. Je vais vous montrer dans la Bible qu'il le dit chaque fois. D'accord? On y va, frère. Jérémie, le livre de Jérémie. Les femmes sont dites dans leur cœur, c'est que j'arrête. Les femmes sont dites dans leur cœur que j'arrête. J'arrête alors. Depuis là, la seule n'a plus. Puis dans les 7 minutes qu'on a dit, là on se retrouve. Bon, frère, Jérémie chapitre 7. Ouvrez aussi Jérémie chapitre 52. Gardez les mains là-dessus, on va dire quelque chose. Alors que vous suivez, si vous notez seulement les versets, vous aurez des problèmes, je vous dis. Faites 6 mois, vous ouvrez encore le cahier là, vous aurez des problèmes. Donc, Jérémie chapitre 7, tu y es, frère. Jérémie chapitre 52, tu y es. Maintenant, lis-moi le verset 27 de Jérémie chapitre 7. Verset 27. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors, dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu et s'est retirée de leur bouche. Coupe ta chevelure. Non, c'est pas ça. Va au chapitre 17, verset 27. 17. Comment tu ne lis pas comme ça depuis? Bon, mais je ne comprenais pas. Le verset 27. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, oui. De ne porter aucun fardeau, oui. De ne pas introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, oui. Alors j'allumerai un feu au port de la ville. Et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra pas. Soleil. Tu lis, comment tu lis tant que tu lis encore? Hein, frère? En fait, ce que je veux vous dire, c'est que le langage de Dieu, il faut qu'on fasse attention. Non, c'est écrit que non. Je t'ai dit que ça c'était un point. Non, ça c'était un point. C'est pas comme ça. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire quelque chose qui est spirituel, mais les gens comprennent autrement. C'est grave. Donc, Dieu est en train de dire aux Juifs si. Parce que voici ce qui se passe. Jérusalem est construit comme une barrière, une maison qui est une barrière. Il y a une porte principale. Et les jours donc du sabbat, on devait fermer les portes pour que rien n'entre, rien ne sorte, pour que les gens ne puissent pas travailler. Vous voyez cela? Pour que les gens ne quittent pas une autre ville, qui viennent vendre quelque chose dans la ville. Donc on devait fermer les portes de Jérusalem, les jours du sabbat, pour qu'on puisse obéir, pour pousser les gens cupides à obéir aussi le sabbat. Dieu dit donc que comme j'ai dit que vous obéissez à mon sabbat, vous ne pouvez pas obéir. Il veut mettre le feu à la porte de Jérusalem. Ça peut être le chapitre 52. Dis toujours frère, verset 13. Il brûlera la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Voilà, maintenant, si vous lisez le titre dans votre Bible, vous allez voir très bien que c'est. En fait, vous savez bien ce qui s'est passé dans Isaïe, dans Jérémie. Il a donné les instructions pour que les gens devaient obéir. Ils n'ont pas obéi. Et effectivement, la chute a été là-bas. Si vous regardez dans votre Bible, on a écrit là-bas la chute de Jérusalem, pas vrai? Mm-hmm. Donc, effectivement, ils ont désobéi à ce que Esaïe disait. Or, d'après ce que l'Éternel avait dit par la bouche d'Esaïe, il avait dit clairement que si vous désobéissez, de mettre le feu là, ça va pas s'éteindre. Ils ont désobéi, non? Maintenant, regarde-moi si tu ris avec moi. Actuellement, par exemple, on parle, le même feu continue à brûler. Non. Hein, frère? C'est fini depuis. Mais pourtant, Dieu a dit lui-même que ça, c'est un point. Donc, il faut, c'est pour dire quoi? Il faut comprendre ce que Dieu dit. D'accord, mes soeurs? D'accord, frère? Donc, le fait que Dieu a dit que le feu ne s'éteint pas, c'est pas cela. Donc, parce qu'il se passe, la définition du Seigneur Dieu très haut, du feu perpétuel veut dire feu qui brûle pour un temps. C'est ce que lui dit. Vous ne venez pas blasphémer. Donc, feu perpétuel, ça veut dire que donc, feu pour, qui brûle pour un temps. Feu perpétuel, donc, ça veut dire que feu qui brûle pour un temps. Pour un, voilà, ce temps-là, la Bible appelle souvent siècle des siècles, ou bien d'âge en âge. Mais la chose, c'est ceci, ne gardez jamais en esprit que ça va brûler pour toujours. En fait, même si vous voyez pour toujours, écrit que pour toujours, ça veut dire que pour toujours, c'est pas toujours au sens de la vie éternelle. Ça veut dire que ça va être éternellement là, jamais. Ça veut dire que pendant qu'on va passer l'éternité avec Dieu en train de faire, quelqu'un va passer l'éternité quelque part, en train de brûler. C'est parce que la Bible enseigne, ça n'a rien à voir avec Dieu. Si le témoin veut dire au moins cela, que c'est même pas dans la pensée de Dieu, il veut lui dire avec eux, je suis d'accord avec eux, que ce n'est même pas dans la pensée de Dieu comme ça. Mais ils vont, les gens vont vraiment brûler. Pendant des années, peut-être des milliards d'années. Mais ça va quand même cesser. C'est ce que dit la parole. Deux chroniques. Chapitre 7. Où on voit qu'il pleut, non? Deux chroniques, chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 16. Donc, on va être même que Jérémie a donné quelque chose dans ce Jérémie 17 et au chapitre 52, ça c'est complet. Et curieusement, on sait que le feu s'éteint aujourd'hui. Et puis, il dit, Deux chroniques, chapitre 17, à partir du verset 16. Regardez. Maintenant, j'ai choisi. Et même, écoutez bien. Ici, dans Deux chroniques, chapitre 17, il est question des dédicaces du temple que Salomon a fait construire. D'accord? Après, Salomon a fait des imprécations en demandant des choses à Dieu, en disant que si ton peuple fait ceci. Donc, il y a le temps de lire ces Deux chroniques, chapitre 17. D'accord? Vous y êtes? Ok, maintenant. Après, Salomon, donc, va venir faire la prière. Dieu va lui apparaître en son, je lui demandais. Regardez au verset 5. Dieu va dire, maintenant, j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Frère Evans, où se trouve la maison où Dieu a fait résider son nom à jamais? Et j'aurai, allons-y. Toujours la maison de mon cœur. Vous avez vu? Mm-hmm. Où se trouve la maison? En fait, son nom y est toujours parce que sa maison, il parlait de Jésus. C'était de lui qui parlait. Ah, pourquoi il est venu, il dit que détruire cet âme, c'est lui. Il n'a pas dit cet âme, il a dit détruire cet âme, c'est lui qui parlait. Là où Dieu ne ratait jamais cela dans la parole. Là où Dieu a fait réaliser son nom, c'est en Christ. Dieu était en Christ. Comme le temple de Jérusalem symbolisait la relation entre le spirituel, la divinité, le divin et le charnel. Et même la relation, la médiation entre l'homme et le divin a été par Jésus. C'est lui qui parlait. Donc, il veut seulement prendre au sens littéral pour que vous voyez véritablement la portée de la chose. Quand il parlait, seulement on comprenait c'est cette maison. Mais Dieu avait dit à jamais. Autrement dit, si on comprend en français, on n'est que quoi? Si on comprend en français, ça voudrait dire quoi? Donc, vous voyez même que ce n'est pas la compréhension de Dieu, n'est-ce pas? On continue. Donc, dans Saint Matthieu chapitre 25, au verset 41, il dit, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu. Dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et dans Saint-Marc chapitre 9, et vous pouvez nous en faire pas encore, où dit le feu ne se tient pas. En fait, je vous ai montré là par là que Dieu, le langage qu'il utilise, c'est pas ce qu'il a de dire. En fait, c'est parce que les êtres humains ont compris. Comme il a dit dans ce Jérémie, le feu ne se tiendrait pas, et on a su que ça a vraiment brûlé, et ça s'éteint. Donc ça veut dire que ce qu'il voulait dire, ce n'est pas ça. 1 Samuel chapitre 13. Je vous raconte encore, pendant que vous en déchirez, je vous raconte une histoire. Je raconte encore l'histoire qui s'est passée dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel, le fils d'Élie, du sacrificateur Élie, était vraiment méchant aux yeux de l'Éternel. Il couchait les femmes devant la porte, il prenait les morceaux, méprisait les offrandes faites dans le nom de l'Éternel. Et la Bible déclare que Élie connaissait exactement quelle était l'œuvre de la manière d'agir, la conduite méchante de ces gens-là. Au lieu de donner la sanction divine telle que Moïse pourrait donner au peuple d'Israël, par exemple, par exemple, le veau d'or, il n'a pas donné. Il a dit non, ce que vous faites dans mes filles n'est pas bien. Alors, la parole de l'Éternel a été adressée. Verset 13 et 14. Quelqu'un lit, disons. Verset 13 et 14. Et voici, tant pis, 3. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité. Souligne perpétuité. Est-ce que vous comprenez que, frère, vous tous qui m'écoutez, est-ce que vous comprenez qu'il y a un problème? Donc Dieu dit ici, d'après cette parole, c'est qu'il est en qui va paix. Les gens d'abord jusqu'au verset 14. Je veux punit sa maison à perpétuité. Oui. À cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, oui, sans qu'il les ait réprimés. Oui. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie, oui, que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié. Souli. Ok. Lisons ça en français. Ce que ça veut dire en français, si nous comprenons, hormis le contexte biblique, c'est que d'après le contexte biblique, un, aucune descendance d'Élie ne pourra plus jamais être pardonnée. C'est ce qu'il dit là-bas, non? Regarde encore le verset 14. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié. Vous avez entendu? Ça veut dire que même le, donc, si on ne parle pas en français, ça veut dire que même le sang de Jésus ne peut rien. Mais il a dit jamais. On ne peut pas dire le contraire, mais voilà ça qu'elle a dit jamais. Donc si quelqu'un me dit que non, elle a dit feu éternel, feu éternel, feu éternel. Je dis que voici donc, Dieu s'est dit qu'il voulait brûler avec un feu qui s'était un peu à la porte de Jérusalem. Il dit, frère, on parle de Jérusalem, tu vas montrer le feu qu'elle avait brûlé. Parce que la Bible est claire. Les gens avaient brûlé cette porte-là. Donc pour que la porte-là puisse brûler de façon éternelle, que le feu s'était un peu, il faut que la porte ait la propriété de rester debout en subissant le feu. Donc vous allez entendre notre expression là-bas, ruine éternelle. C'est pas une ruine qui est éternelle. On ruine. On passe autant à ruiner. Pour toujours, mais vous en dites pas, attendez. Donc, maintenant, 1 Roi chapitre 2. Regardez à l'esprit, c'est comme un livre, d'accord? 1 Roi chapitre 2. Enfin, lis-moi le verset 27. 1 Roi 2. Oui. Verset 27. Oui. Ainsi, Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Stop. Vous entendez ce qui est écrit? Ok, regardez. Quelque chose arrive. Quand Salomon a pris le pouvoir, c'est pour nous, David va mourir. Il va donner des exigences ou bien des dernières volontés au roi Salomon. Salomon entre. Pendant qu'il était en fonction, Abiathar était le sacrificateur. Souvenons-nous de ce qui était dit. Souvenez-vous, quand Salomon vient à la magistrature, il y a quelqu'un qui s'appelle Abiathar, qui est une descendante de Dieu. Donc il était dans la sacrificature de Dieu. Pourtant, Dieu avait dit longtemps avant, 400 ans avant, qu'aucun de ses fils ne sera plus épouse. Pour toujours. La Bible déclare que Salomon l'a dépouillé de l'onction sacrificateur. Il était sacrificateur. Il dit, quand il faisait ça, oh mon Dieu, quand Salomon faisait ça, il accomplissait exactement ce que Dieu disait dans 1 Samuel chapitre 3, verset 14. Donc, ça venait de s'accomplir. On va relire encore, on a lu là. Et on lit exactement l'accomplissement. D'accord? 1 Samuel encore chapitre 3. Il y a encore sa frère. Pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié. Ni par les sacrifices, ni par les offrandes. Vous avez entendu ce qu'il a dit là? Ni par les sacrifices. Donc ça ne vaut pas la peine de demander pardon à Dieu. Avançons. Je vais déclarer que je veux punir sa maison à perpétuité. À perpétuité, c'est-à-dire que si on comprend, c'est comme si ça ne cesserait jamais. À cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'ils aient réprimé. Oui. Pour nous maintenant. Verset 27 de 1 Roi chapitre 3. Ainsi Salomon déploie Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel afin d'accomplir la parole. Stop. Et souligner accompli. C'est vrai que dès cet instant, la parole s'est réalisée. Entre le moment où 1 Samuel chapitre 3, verset 14, 13 et 14 est dit, et le moment où Salomon entre en action pour déployer Abiathar de l'onction sacrificateur, de la sacrificature, fait 4 générations. Et à partir de là, il n'y a plus de problème avec cette descendance-là. Donc maintenant finalement, où est que à perpétuité là-bas, a duré 4 générations, à perpétuité là-bas, que Dieu a dit, ou bien pour toujours, comme vous voulez, ou bien ne sera jamais expié, a duré 4 générations. Donc frère, finalement, il faut comprendre ce que lui Dieu dit. Est-ce que vous saisissez? Dans cet Apocalypse chapitre 20 qu'on a lu, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps des feux où est le faux prophète et la bête. Et il fut tourmenté, et il sera poussé d'âge en âge. 1 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. On va arrêter là-bas parce que je sens qu'on est fatigué tout ça. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Prêtez bien maintenant. Prêtez vraiment attention là maintenant. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Vous y êtes. Donc, suivez avec moi, je vais lire à partir du verset 3. Regardez. J'ai dit, je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. Je vais lire et puis je vais m'arrêter au verset 9 pour que vous voyez ce qu'il en est. Allez, je vais prendre depuis le verset 3. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès. Et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Verset 4. Aussi, nous glorifions nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel au milieu, quoi, du ciel avec les anges de sa puissance au milieu, écoutez bien, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Verset 9. Ils auront pour châtiment. Expliquez-moi comment une ruine peut être éternelle. Expliquez-moi donc. Je veux dire, si vous voulez éternel, c'est le truc que je n'existe pas. Comment? Expliquez-moi. Donc, puisque Jésus vient pour les détruire, pour qu'ils aient une ruine éternelle, juste pour continuer à les détruire, continuer à les détruire, continuer à les détruire. Mon frère, ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Regardez, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Donc, le ruine là-bas, le mot qui est mis là-bas dans votre version ruine, c'est destruction. Donc, si vous lisez, ça veut dire, ils auront pour châtiment une destruction éternelle. Une destruction perpétuelle. Donc Dieu va détruire les âmes au travers du flamme de feu. Quel enfer. Ils vont être détruits, anéantis toujours. Et ils ne seront plus. C'est parce qu'on se trouve dans l'air. Et puis vous êtes attaqué. J'aurais bien voulu entrer encore dans les écritures pour vous en montrer. Le problème se situe à ce niveau. À quel niveau? Le problème se situe nécessaire même pas au niveau de la traduction. Parce que même en lisant là-bas, on comprend. Donc, c'est pas, je ne peux pas dire que c'est la personne qui a fait qu'on a mis. Le fait qu'on a mis éternel, ce n'est pas cela. Parce que si vous prenez le mot éternel, exactement dans le grec, ce que vous avez là-bas, vous prenez le mot là où on parle de Jésus, qu'est-ce qui est, comme il est éternel, vous ne voyez pas que c'est le même mot. Or, on connaît très bien qu'il n'y a pas de Dieu éternel. Perpétuel, d'âge en âge, pour toujours. Ça veut dire que, voici donc la pensée de la Bible. Les gens vont aller quelque part en punition. Ça va durer de façon perpétuelle. D'âge en âge, des siècles au siècle, des siècles. Mais un de ces jours, ça va se détruire parce que ça va s'arrêter. Disons Malachi, Malachi chapitre 4. Si vous voulez, arrive dans les écritures maintenant, dans Sophonie, Osée, haut là-bas, et regardez un peu le jour du jugement, le jour de l'éternel, d'accord? Et regardez ce qu'il est dit là-bas, quand il va venir, ce qui va se passer. Donc disons Malachi là, rapidement là, arrêtons là-bas. Que Dieu vous bénisse. Malachi chapitre 4. Ah, voilà, nous voilà maintenant. En fait, Malachi chapitre 4 parle même du jour de l'éternel. Donc, allez dans les prophéties, regardez partout dans Sophonie, quoi, Esaïe même, Osée, regardez partout ce qu'ils ont les prophètes par rapport au jour de l'éternel. Ce n'est pas un jour de cadeau. Il n'y a pas de sucre là-bas. Non, regardez. Verset 1 de Malachi 4. Car voici le jour vient. Ce jour-là est comment? Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme. Pas la chauffe, hein? Pas la chauffe. C'est quelque chose qui est un peu comme la paille, non? Le jour qui vient l'air. Vous entendez? Dit l'Éternel. Il ne leur restera ni racine ni ramée. Vous entendez d'entendre ce que la Bible en dit? Nous sommes d'accord qu'on parle du jour du jugement ici. Avançons. Mais pour vous qui craignez, mon nom se lèvera et la guérison sera sur ses ailes. Ça, c'est votre prophétie là maintenant. Vous sortirez, et regardez bien, regardez. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme. De la soie. Où ça? De la soie. Au jour que je prépare, dire. Vous avez vu cela? Comment ils seront? Il y a un feu en enfer. Il y a un lieu de destination finale de tous ceux qui ne voient pas l'évangile et qui ne croient pas à Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme Seigneur ou Sauveur. Les gens vont y aller. Et l'âme de ceux qui n'ont pas cru en lui brûleront. Si vous lisez les soirs, quand on parle des soirs, vous allez voir quand on le nouvel, on a ouvert le cinquième jour, les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage qui avait rendu étaient sous l'autel de la vie. Et ils criaient, Seigneur, jusqu'à quand tu as dit tu prends des jugements sur les saints de la terre, sur ceux de la terre. Donc il y a véritablement un feu. Ce feu est différent de celui des morts. Le celui des morts n'est que le pré-feu. Le pré-feu. La souffrance qui est là-bas n'est qu'une pré-souffrance. D'accord. Les tourments qui est là-bas n'est qu'un pré-tourment. Après cela, on va jeter à l'intérieur là-bas. Tout ce qui est là-bas avec quand même ce mur-là. Ça va brûler véritablement. À un moment donné, Dieu va cesser. Maintenant, voici le problème. Si ça si ce n'est que deux jours, c'est quand même terrible hier. D'abord, on ne peut pas s'habituer. C'est quand même terrible hier parce qu'il n'y a pas d'explication que quelqu'un puisse donner pour qu'on puisse comprendre cela. La seule chose à faire, c'est de demeurer la parole, croire en lui, de même la parole. Amen. Quand vous êtes l'enfer existe, c'est réel. C'est punissant. C'est cruel. Mais ce n'est pas éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, j'attends les questions sur vos questions. Le Hades. Le Hades, c'est le mot grec pour le celui de mort. Le celui de mort. Donc le Hades, c'est exactement pour le. Comment ça? Parce que dans la Bible, c'est ça le problème. Dans la Bible, vous allez voir un temps. On appelle celui de mort un temps, c'est comme si ça, on a dit ça descend à la tombe. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est la mort, c'est le même attribut que là-bas. C'est-à-dire que Hades, dans l'hébreu, tu vas entendre le Sheol. Le Sheol. C'est comme si ça allait descend à la tombe, comme si c'est le tombe. Donc c'est comme si la tombe, là, on met les morts. D'accord? Donc le Hades, c'est le mot grec pour Sheol. Avançons. Et pour moi, comme tu as. C'est lui qui a les questions ici dedans. Oui. Je veux dire, comme tu as dit tout à l'heure, avant que tu as eu en vision, l'âme errante des attentes. Mais c'est pas la vision. Parce que la vision, c'est qu'un écran se place là-bas. Oui. C'est que si on est regardé, tu es assis, quelqu'un passe à côté de toi. Il ne dormait pas. Ce n'est pas une vision. Je comprends, je ne sais pas comment on peut expliquer cela. Dans le domaine spirituel, oui, on peut appeler ça, mais je sais dire que les gens sont là, en train de parler. Je peux être en train de parler, je regarde la chose distinctement. La personne au milieu là, mais tu vois la personne, oui. Mais deux personnes ne parlaient pas. Bon, maintenant, ça veut dire que les méchants, donc, les gratis, les incrédules, on a un temps d'errance avant de descendre. En fait, je ne peux pas dire des temps d'errance. Donc, peut-être il y a un but pour lequel Dieu voulait me faire voir ça parce que pour qu'il puisse prêcher aujourd'hui. Ok. Bon, maintenant, que dit donc de. Bon, c'est vrai que c'est un témoignage. Un témoignage peut être faux. Oui. Donc, un témoignage tel que quelqu'un lui dit, un de ses parents qui était décédé, il a senti comme une présence et il a vu comme quelqu'un qui disait quelque chose. Peut-être même papa, c'est un enfant. Comme ma grand-soeur qui dit qu'elle a vu. Les témoignages peuvent être vrais, les choses peuvent être vraies dans le domaine spirituel. Mais si on est chrétien, on se laisse seulement dans le cadre de la parole. Parce que si on est sur ce terrain, c'est possible qu'on vienne séduire. C'est-à-dire qu'une personne peut dire que c'est fait passer pour ta soeur. Et qu'effectivement, la première fois, c'est ta soeur. La deuxième fois, comme tu as cru, l'autre personne encore vient prendre la même image. Il te parle comme tu as cru la première fois, tu y vas et tu vas en train de servir les morts. Tu vois un peu cela, frère? Non, mais c'est possible que. C'est possible. Il dit pas un enfant. C'est possible, absolument. Des questions, frères et sœurs. Maintenant, pour expliquer aux gens maintenant que le corps est différent de l'âme et différent de l'esprit, n'est-ce pas? Pour expliquer aux gens que le corps en enfer, c'est l'âme qui va y aller, n'est-ce pas? Pour expliquer aux gens maintenant que l'âme n'est pas immortelle, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas d'un seul verset. Pour expliquer maintenant que l'enfer brûle véritablement, n'est-ce pas? Pour expliquer la région où se trouve la cellule de mort, n'est-ce pas? Et pour expliquer aussi maintenant que ce feu-là va bientôt avoir un essai juste cesser, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit que cette place sera réduite ensemble. C'est exactement ce qui est écrit. Il veut dire qu'on pourrait passer brûler. On dit clairement qu'il sera réduit ensemble. Donc il va devenir. Il va brûler parce que il va se détruire. C'est la destruction donc la Bible parlait. La rue éternelle donc parlait. Mais c'est curieux que vous lisez comme ça là et puis vous dites que c'est éternel. Donc même sa cendre va continuer à brûler, va Dieu qui. Hein, frère Evans. Et vous faites comme ça pendant 10 heures pour fatiguer l'esprit des gens. Voilà dans l'une des doctrines que j'enseigne donc et que je vais toujours enseigner. Parce que c'est ce qui est écrit dans la parole. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, il n'y a pas de questions non. Je suis tuer.